Des fois j'ai l'âme un peu usée sur des mélodies ludiques. J'ai du mal à m'amuser, j'ai mal à ma musique. J'ai l'âme un peu usée comme un vieux vinyle crépite. Décrépit, répire, périr à écrire le rire. Ce vague à l'âme si peu rusée fait du bruit pour rien dire. Lubrique, abusif, j'ai mal à ma musique et l'âme n'est-y me guette. Demain j'oublierai peut-être que bien loin de la gaieté une sorte de beauté pénètre. Quel est ce mal qui pénètre par nos portes closes, se nourrit de nos petites choses à forte dose. J'ai l'âme un peu usée, mal et balbutie. Hallucine pudique à demi nu dans ma musique. À 2 minutes du silence, elle est venue s'égarer. Ma musique a mal depuis le départ, j'essaie de la réparer. Séparer les tâches et préparer les traces écrites. Trouver l'écrage unique qui évite que mes phrases s'effritent. À tout bout de champ, comme un bout de chanvre en bougeant, touchant tout ce qui s'apparente au coup de chance. J'ai l'âme un peu usée, j'aime pas la poésie. La morale abusée, trouvée dans les beaux récits. Confrontation des paradoxes, ma musique meurt au paradis. Mon bonheur la parasite, toutes ses humeurs me paralysent. L'âme un peu usée qui se sent libre quand elle s'enlise. Trouve son équilibre quand elle s'enivre comme une plongée hardie. Au plus profond des artères, depuis que ma muse est partie, ma musique est par terre. J'ai laissé s'accoupler dans mes couplets tous ces symptômes. Et elle n'a enfanté que des fantômes. J'ai autant de cicatrices que Johnny a de disques de platine. J'ai des douleurs aiguës dans le beat vent générique du Hit Machine. J'ai des rejets acides que je recycle pour faire des textes pour ma musique. Y'a pas de médecine pour soigner ce mal qu'on a à notre musique. Pas de médecine pour soigner ce mal, à part écouter la cassette en préventif. Que je rechapperai ce mal à la musique. J'ai mal à la musique alors je me soigne devant le statique. Fais des cataplasmes avec des lyrics. J'ai le mal à la musique, alors je me soigne devant le statique. Je fais des cataplasmes avec des lyrics. J'inhale des bombes, buté des rites. Fumant, fumant. Comme un sentiment de ne pas avoir le temps. J'ai comme l'impression de ne pas être le bon. J'ai cette sensation d'un rétropédalage en action. J'ai l'image d'un homme seul sous son lit en prison. Je garde l'ambition de ne pas toucher le fond. Je guette l'horizon en vue d'un avenir moins songe. Me laisse corrompre dans ce berceau de songe. Finis cette prose par cette larme que je pose. J'ai mal à la musique d'entendre tout et n'importe quoi. Depuis 98, les classiques comptent sur les 10 doigts. Le 9 mes cœurs, je reste à l'ancienne. J'ai dos le cœur quand le son saigne. On vient souffler sur les braises pour pas que la qualité s'éteigne. On rêve pas de disque d'or, MC de l'envers du décor. Les jaloux parlent quand nous on rappe et qu'on fracture les transistors. Sans transition, tous en mission, sur une cassette en extension. Et ici la musique a trop mal, nous on la soigne sans prétention. J'ai mal à la musique. Cette extension, j'ai mal à ma musique, j'ai mal à la musique. La tête qui tourne comme les habitants de ma monde. Sorte de monstre dont le centre se vide comme après un mal de ventre. J'ai la tête qui tourne comme les habitants de ma monde. Sorte de monstre dont le centre se vide comme après un mal de ventre. Une aigreur d'horreur dont la pâleur te couvre de sueur au point de faire peur à la chaleur. Ovni vite, te vide le bistil liquide d'alcoolique. Au début c'est sympathique, mais j'ai mal à la musique. Mais sans antibiotiques, je crois que ça m'astique. Je me prends pour un artiste, mais là j'ai besoin qu'on m'assiste. Et ça fait partie des paroles ça.